Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Nathalie Quinard au microphone et nous allons faire une incursion dans le monde du recyclage des matériaux de construction. Selon les statistiques québécoises de 2018, le domaine de la construction et de la rénovation génère entre 460 000 et 540 000 tonnes de particules fines, constituées notamment de poussière de gypse. C'est plus de 10 fois la masse du Titanic quand même. Céline Vanekrotte, professeure au département de génie chimique de l'Université Laval, et Richard-François Caron, expert en caractérisation chimique de l'air et des odeurs au Centre de recherche industrielle de Québec, le CRIC, sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de la gestion et de la valorisation de ces particules fines. Bonjour Céline et bon retour à Futur Simple. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Richard-François Caron. Bonjour. Pour savoir de quoi on parle, parle-t-on d'un conteneur plein de matériaux de construction comme du bois, du plastique, des métaux, des gravats de béton, du gypse? Où va ce conteneur et que sont ces particules fines? Je peux prendre la parole. Donc en fait, ce sont des résidus, comme vous le dites, de construction, rénovation et démolition des bâtiments et des infrastructures. Donc en fait, ces résidus-là, donc ils vont au centre de tri. Donc c'est des résidus très hétérogènes. Donc on peut y trouver du bois, du verre, des plastiques, mais aussi le gypse. Et en fait, au centre de tri, donc il y a un premier, donc à l'arrivée de ces matières-là, il y a un premier tamisage pour enlever ce qu'on appelle les particules fines. Et ces particules-là, donc, sont en fait des particules donc de 0 à 5 cm, donc les particules les plus fines, dans le fond, qu'on va enlever directement. Donc, ça peut être à peu près jusqu'à 25% là, de la matière qui arrive. Puis l'autre matière, la matière plus grande, là, comme le bois, les plastiques plus grandes, ces matières-là, on peut aller même recycler par la suite là, et trier. Okay. Mais c'est les particules fines, en fait, ces particules-là, parce que c'est des particules avec un diamètre tellement fine, très hétérogène, donc vert, c'est brisé, du gypse qui est décomposé, puis tout, c'est une matière plus complexe à traiter. Et ces particules fines sont générées comment exactement? Est-ce qu'elles sont générées sur les sites de construction en tant que telles ou c'est rendu au centre de tri? Par exemple, le gypse qui se trouve là-dedans, c'est tellement fragile que c'est dégradé dans le fond directement. Donc, le verre aussi, quand ça va casser, les plastiques plus fines, donc sont toutes ces particules-là. Okay. Et au Québec, 90% de ces particules fines sont utilisées comme matériaux de recouvrement journalier dans les sites d'enfouissement. Même si c'est une façon de valoriser ces résidus, cela semble poser des problèmes pour l'environnement et la santé des gens, n'est-ce pas? En effet, donc vu que c'est une matière qui est plus difficile à les recycler et séparer, on va les envoyer au site d'enfouissement. Puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc le gypse, en fait, c'est du sulfate de calcium. En fait, une fois arrivé au site, quand on va l'avoir au site d'enfouissement, sous des conditions anaérobiques, donc quand il n'y a pas d'oxygène, la microbiologie, en fait, va le décomposer en ce qu'on appelle H2S ou le sulfure d'hydrogène. Et ça, en fait, ça cause des odeurs. Donc, ça sent les œufs pourris. Également, donc, ça peut être toxique, mais c'est surtout à cause de l'odeur que le site d'enfouissement, en fait, il aime pas trop ce produit-là. Il y a même des plaintes de gens qui habitent aux alentours, justement. D'accord. Donc, il faut séparer le gypse des autres particules fines, si je comprends bien. Idéalement, c'est ce qu'on peut faire parce que c'est vraiment le gypse qui fait en sorte que actuellement les fines, donc les particules fines, ils sont même presque plus acceptées au site d'enfouissement. Si on serait capable de séparer le gypse, on n'aurait pas cette problématique-là. Est-ce qu'on peut demander aux travailleurs de la construction de trier le gypse sur le chantier, par exemple? Ben, À mon avis, ça serait la solution idéale, parce que comme ça, on n'a pas non plus les coûts de transport de tout ce matériel-là. Donc, si on est capable de déjà séparer, en fait, le gypse au chantier, ben là, en fait, des entreprises qui peuvent valoriser le gypse par la suite, ils peuvent aller chercher le matériel là-bas, puis eux, ils peuvent faire le travail par la suite. Sinon, on doit emmener tout au centre de tri d'abord, puis là, il faut trouver des moyennes pour justement séparer le gypse, et ça peut devenir complexe. En fait, on n'a pas actuellement de méthode qui permet de séparer le gypse à partir des fines de façon efficace. Puis entre parenthèses, peut-être pour donner une idée, le gypse, on produit des résidus de gypse, même à peu près 200 000 tonnes de gypse par année, mais actuellement seulement 1% est recyclé. C'est très peu. Oui, c'est très peu. Ouais. Et je pense que votre laboratoire, justement, cherche des moyens de séparer les particules fines et d'isoler le gypse. Oui, ben en fait, on a justement mis en place une collaboration donc entre mon laboratoire à l'Université Laval et le CRIC. Donc, on a un étudiant au doctorat en commun. Puis, on a commencé les travaux et je pense que Richard-François va en parler un peu plus. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir séparer justement le plus possible ces particules-là, puis regarder par des méthodes les plus simples possibles. Par exemple, si on fait une granulométrie, on peut regarder éventuellement si le gypse ne se retrouverait pas dans une fraction plus fine particulière. Donc, on parlait tantôt des particules de 5 cm et moins, mais ça s'étend jusqu'à quelques centaines de microns. Donc, l'idée, si on retrouve le gypse principalement dans les grosses particules, on va pouvoir tout de suite concentrer la problématique et trouver des solutions beaucoup plus simples. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des contaminants dans le gypse? Oui, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs types de contaminants qui viennent soit des contaminants croisés. On parlait tout à l'heure qu'à l'arrivée du container au centre de tri, donc on séparait tout de suite les fines. Mais c'est les fines, c'est en fait les fragments fins de tous les types de matériaux qu'on a. Béton, briques, laine de verre même, qui est la laine minérale isolante et tout et tout. Donc tout ça, ils se contaminent mutuellement par le brassage. Et puis aussi, comme on parle de démolition, mais il peut y avoir des métaux, puis la peinture, même des métaux lourds qui sont présents dedans. Il y a toutes sortes de produits qui sont rajoutés pour coller le matériau ensemble. Donc, il faut regarder s'il n'y aurait pas des HAP, des hydrocarbures aliphatiques polycycliques. Donc, c'est tous ces types de contaminants-là qu'il faut vérifier. Donc, la problématique devient complexe à ce moment-là. Et comment on peut faire, justement, une fois qu'on les a identifiés, comment on peut faire pour les séparer? Voilà, donc il y a plusieurs techniques de séparation possibles. Il y a quatre grandes catégories. Donc, séparation physique, séparation chimique, séparation, qu'on peut dire plus, par la voie biologique, et thermique. Donc, c'est sûr que les séparations physiques, ce serait les plus simples, puis c'est ce qu'on espère avoir aussi. Puis c'est un petit peu ça l'enjeu de la structure du projet qu'on a discuté là, avec l'Université Laval et avec l'étudiant. Donc, pour trouver des façons simples de séparer ça. Donc, au niveau physique, ben c'est par granulométrie. Est-ce qu'on peut y aller par densité? Parce qu'on sait que la laine minérale est très peu dense, le bois aussi. T'sais, on peut trouver des choses simples comme ça. On peut le faire aussi thermique. Il s'agit de voir si on peut se débarrasser de toute la matière organique. Parce que comme le dit tantôt Céline, donc lorsque le gypse, en fait le sulfate, sont en contact avec les bactéries qui croissent sur la matière organique, c'est là que le problème se manifeste et puis qu'il y a génération de H2S. Et c'est ça qu'on veut éviter. OK, ce sont des méthodes que l'on pourrait implanter, par exemple, dans les centres de tri? Oui, c'est ça. Donc, on pourrait implanter ces méthodes-là dans les centres de tri. L'idée, c'est d'avoir la méthode la plus simple possible, la plus économique possible aussi. Actuellement, donc, les fines s'accumulent dans le centre parce qu'il y a de moins en moins de centres d'enfouissement qui les acceptent comme recouvrement journalier. Okay. Donc, la problématique s'accentue. Puis c'est ça l'objectif, c'est avant que ça devienne, qu'on accumule des montagnes de fines, ben il faut commencer à trouver des solutions le plus simples, et autant pour les centres de tri que pour ne pas générer un problème environnemental aussi. Et les résidus de gypse, est-ce qu'on peut penser les réutiliser pour faire des nouveaux panneaux de gypse, par exemple? Oui, donc si on réussit ou on trouve des méthodes qui permettent de séparer les particules, ensuite soit de les neutraliser, donc c'est-à-dire que le soufre est neutralisé et il ne pourra plus générer de H2S, ben à ce moment-là, on va pouvoir prendre ces résidus-là et les envoyer comme on l'utilisait avant, donc comme matériau de recouvrement, parce qu'il n'y aura plus de sulfate. Soit qu'on a des particules ou les autres particules qu'on aura trouvées comme le bois ou les autres matériaux, s'ils n'ont plus de contaminants en métaux lourds ou en HAP ou en d'autres contaminants comme ça, ben ça va être plus facile de trouver des voies de valorisation ou de les mettre dans, de les disposer dans des endroits qui vont être moins coûteux pour les centres de tri. Actuellement, comme ça s'accumule, ben c'est sûr que c'est un certain coût pour les centres de tri d'avoir des grandes surfaces qui contiennent ça ou de les disposer dans des sites d'enfouissement plus spécialisés, donc plus coûteux. D'accord. Puis, quelles autres façons on a de valoriser là, justement les résidus de gypse? À part, par exemple, faire des panneaux, comme on disait tantôt. Oui, donc oui, il y a plusieurs méthodes, mais comme on disait tout à l'heure aussi, il y a quand même quelques entreprises qui valorisent ça, mais c'est juste 1% de la matière. Donc, puis c'est souvent à partir des gros morceaux de panneaux, c'est pas à partir des fines particules de CRD. Donc, ça peut être utilisé comme additif pour le ciment, donc ça prend des matériaux pour, en fonction de la dureté du ciment, mais ces matériaux-là peuvent être utilisés pour donner d'autres propriétés au ciment. Ça peut être utilisé aussi comme matériaux, comme engrais, parce que, bon, lorsque le gypse est pur, c'est du sulfate de calcium. C'est une source de calcium et une source de soufre. Le soufre est nécessaire, c'est pour les protéines, entre autres, qui en contiennent beaucoup. Donc, ça sert d'engrais. Il y a un autre aussi, c'est les applications géotechniques. Donc, c'est beaucoup utilisé aux États-Unis principalement. Donc, pour mettre un premier recouvrement sur les routes, ben on solidifie, on prend ces fines-là qui ont des bonnes propriétés structurantes parce qu'ils ont une granulométrie très variée. Donc, ils sont relativement stables aussi. Et aussi, ça peut être utilisé d'une façon plus intéressante pour la séquestration du CO2 ou pour l'ammoniac aussi, ou pour les deux en même temps. Donc, c'est toutes des choses qui restera à évaluer, ça aussi. Je pense que j'ai fait le tour là, des méthodes. Ben ça, j'ajouterais peut-être aussi en traitement des eaux, ça pourrait être un absorbant là, pour d'autres polluants aussi. Là. Ah, intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. Donc, on peut dire qu'il y a un marché quand même pour les particules fines, qu'elles soient juste de gypse ou autre. Oui, c'est sûr. Une fois qu'on est capable de récupérer en fait le gypse et le décontaminer, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir un marché là. Et économiquement, c'est viable pour des entreprises? Là-dessus, je répondrais. C'est sûr que, comme je disais tantôt, il y a un coût à entreposer et accumuler les fines. Il y a un coût à en disposer de façon aussi plus élaborée. Donc, au fur et à mesure que la problématique va s'accentuer, ce coût-là va monter. Donc, l'idée principale là-dedans, c'est de trouver une façon. C'est pour ça que le projet est assez complexe, puis que c'est bien d'avoir une collaboration avec l'Université Laval et de former un étudiant aussi au doctorat là-dessus. C'est de trouver une façon, en premier, de voir si on peut pas neutraliser les particules, qui serait le plus simple, pour ensuite pouvoir en disposer de façon beaucoup moins coûteuse. C'est comme ça qu'il y a une valorisation économique de la chose. La deuxième chose, c'est de trouver des façons qui seraient économiques pour, utiliser les particules qui seront isolées de ça, séparées et plus purifiées. Dans le projet, la façon dont il a été conçu, il y a plusieurs aussi petites études technico-économiques qui vont nous servir à orienter notre choix technologique. Donc, au fur et à mesure qu'on va identifier une étape intéressante ou une technique intéressante, ben on va faire une petite technico-économique pour voir si, OK, elle est faisable en laboratoire, mais est-ce que c'est rentable éventuellement pour l'entreprise? Puis c'est tout ça qui va nous aider à choisir la technologie ou les méthodes les plus rentables et les moins coûteuses, en fait. D'accord. Et où en est rendu exactement le projet, là, en ce moment? Ben, on commence la caractérisation. Donc, l'étudiant en doctorat a fait fini tous ses cours. On a commencé la caractérisation en faisant une première granulométrie. Donc, pour identifier, c'est quoi les principaux composants macroscopiques. Et puis là, maintenant, chacune de ces fractions-là est envoyée au laboratoire, analysée à notre laboratoire et à d'autres laboratoires pour vérifier la présence des différents contaminants. Où est le calcium, où se trouve le soufre, est-ce qu'il y a où est la matière organique, où est les différents métaux lourds et tout ça, dans quelle fraction? peut-être intéressant aussi à mentionner qu'on travaille avec des fines de trois centres de tri différents. Dans différentes régions au Québec, parce que en fait, la composition, ça peut être différente aussi. D'accord. Comment ça, différente en fonction d'eux? Ben, en fait, on parle de matériaux de démolition. Donc, c'est sûr que si on prend juste, en gros, on compare les matériaux de démolition du Québec par rapport à celles de l'Ontario, ben, c'est pas tout à fait pareil. Si on regarde aux États-Unis, ben là, c'est très différent. On n'utilise pas les mêmes matériaux. Donc, tout dépendant des régions aussi, c'est différent parce que chaque centre de tri accepte différents types de matériaux ou de contaminants dedans. Donc, dans ce sens-là, c'est très hétérogène. Et aussi, comme c'est des matériaux de démolition, en fait, ça dépend des régions. Tu sais, les maisons démolies, mettons, à Montréal ou à Québec ou en région, ben, on va avoir des âges différents, donc des matériaux différents. Et les contaminants vont être aussi très différents. Donc, le principal problème, si je comprends bien, c'est d'abord d'isoler les contaminants, d'abord et avant tout. Oui, ben, en fait, de savoir, oui, où est-ce qu'ils sont, puis quel type de contaminants on a. Puis oui, c'est ça. Donc, dès qu'on va pouvoir savoir où ils sont, puis comment les séparer, ben c'est sûr que ça va nous aider beaucoup. Mais vous avez dit, la principale, c'est une des deux principales préoccupations. La deuxième étant, peut-on neutraliser facilement le soufre pour l'éliminer? Mm-hmm. D'accord. Parce que si on est capable de neutraliser le soufre pour qu'il soit stable, ben, il n'y a pas ce problème sur les sites d'enfouissement, ben, on peut continuer, en fait, de l'envoyer au site d'enfouissement comme recouvrement journalier, justement. Quand on dit recouvrement journalier, ils en ont vraiment besoin tous les jours? Oui, le recouvrement journalier sert, en fait, à couvrir les déchets pour ne pas qu'il y ait d'odeur qui soit émise. Donc, à chaque jour, tu as, mettons, un 30 cm soit peut-être un mètre de déchets qui est empilé sur le site d'enfouissement. Il faut recouvrir ça rapidement pour ne pas que le vent apporte les déchets, pour ne pas que les oiseaux viennent aussi picosser dedans. Mais en même temps, ça coupe les odeurs. Donc, parce que c'est une des principales inconvénients d'avoir un centre d'enfouissement, c'est les odeurs qui sont générées aussi. Donc Mais là, le recouvrement lui-même générait aussi des odeurs à cause. Oui, à cause du gypse. Donc, c'est ça un peu le problème actuel, en fait. Oui, ouais, d'accord. Puis, il était utilisé aussi comme recouvrement parce qu'il y a différents critères pour avoir un matériau de recouvrement. Et puis, les fines répondent à plusieurs de ces critères-là. Outre les odeurs qui sont générées, ça répond quand même aux critères hydrologiques, par exemple, et de compaction. Il faut que l'eau puisse percoler au travers. Donc, dans ce sens-là, les fines de gypse répondent à plusieurs critères. On parlait de la problématique du vent, mais moi, quand j'imagine des particules fines, j'imagine justement le vent qui les amène avec lui, mais ce n'est pas le cas. Parce que vous dites que les particules fines pouvaient être étendues justement pour... Non, c'est ça. C'est sûr que quand les fines arrivent, ils sont soumis aux intempéries, donc il y a toujours un peu d'eau à l'intérieur. Mais non, c'est compacté à chaque fois. À chaque fois qu'on met, on étend une petite couche là, de déchets ou de fines de CRD, ben c'est compacté régulièrement. Et comme la composition est très hétérogène, ben ça fait quand même un système. En termes de diamètre, ça fait un système qui est assez bien compact et qui se maintient bien. J'ai pas vu de problématique de poussière, mais en même temps, c'est géré par les sites d'enfouissement. Oui. Parfait. Donc, c'est un projet qui s'étale sur combien de temps, selon vous? Ben, un projet de doctorat, c'est normalement 3 ans. Là, l'étudiant est dans... Encore dans sa première année. Il finit sa première année. Donc... c'est ça. Encore au moins 2 ans. Là, ça peut même aller jusqu'à 4 ans, en fait, dans ce cas-ci. Parce que, étant donné la complexité du projet, là, donc tout est à voir. Mais je peux dire que l'étudiant a, avec grand succès, passé son examen dans lequel il devait proposer le projet à l'université, justement. Puis ça a été accepté avec très grand succès, dans le fond. Oui, dans le sens, on peut peut-être mentionner son nom. Donc, c'est Mohamed Amin Laïdilaï, donc qui travaille avec nous au CREC. Mm-hmm. En fonction des différentes problématiques qu'on va avoir, évidemment, donc c'est ce qui va déterminer la longueur un petit peu du projet. Donc ici, les études technico-économiques vont pouvoir orienter, mais aussi aller permettre d'aller plus loin, de faire d'autres collaborations avec différents partenaires, là, éventuellement. C'est déjà un beau projet de recherche complexe, de collaboration qui va suivre son cours. Donc, mais merci beaucoup Céline et Richard-François d'être venus nous en parler. Je rappelle que nous étions en compagnie de Céline Vanecote, professeure au département de génie chimie de l'Université Laval, et de Richard-François Caron du CRIC. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.